une histoire particulière. C'est l'été et je vous emmène en voyage. Pendant une heure, chaque dimanche de 16h à 17h, vous allez découvrir un lieu et son histoire. C'est la collection Été 2019 d'une histoire particulière. Deuxième semaine, deuxième étape. Impossible, après la visite du quartier de la Défense, de quitter Paris sans aller voir la place de la Bastille. Un 14 juillet, cela s'impose. Sous l'égide du Centre des Monuments Nationaux, la nouvelle place de la Bastille prend forme. Après 15 mois de travaux, il y aura bientôt comme une presqu'île végétalisée qui reliera l'esplanade du port de l'Arsenal à la colonne de Juillet. La place, associée à la prise de la Bastille, est porteuse de l'un des symboles les plus forts de l'histoire nationale. Les délimitations de l'ancienne forteresse et de la porte Saint-Antoine sont matérialisées au sol et témoignent de l'histoire des lieux. Mémoire de la Révolution de 1830, puis de 1848, les cryptes du monument pourront être visitées. Approchons-nous et allons visiter, grâce à Nedjma Boigras et Nathalie Salle, cette fameuse colonne de Juillet, ornée de son célèbre génie de la liberté. L'appartement était resté vide, au coin de la rue Bichat. Le plancher, sombre, brûlé près de la cheminée, trempé près de la fenêtre, laissait penser que ces dernières années, le vieil homme avait dû survivre à ce cinquième étage, collé près de la chaleur d'un radiateur. Personne ne s'était aperçu de la disparition d'Omar Özgün. À part les pigeons, ils étaient là, une vingtaine, à s'être nichés dans le salon vide, à l'abri de l'hiver. Ils refusent de sortir. Ils me font peur avec leurs couvées et leurs yeux rouges. Regarde, regarde. Tout ce fatras de carton, de couvertures, de lettres, de cartes postales. C'est Paris, avec ses lampes à incandescence, ses larges trottoirs, miroirs des pas perdus. C'est le Paris de Doineau. Le Paris de Balzac. Là, tout fume, tout brille, tout bouillonne, tout flambe, s'évapore, s'éteint, se rallume, étincelle, pétille et se consume. Paris qui n'a pas admiré tes sombres paysages, tes échappées de lumière, tes culs-de-sac profonds et silencieux. Qui n'a pas entendu tes murmures entre minuit et 2h du matin? Ah, là, cette carte. Les amoureux du Pont des Arts, de René Wallis. Celle-là, les amoureux de la Bastille. Ils ne collectionnent que les couples. C'est lui sur la photo. Attends, c'est signé Riton et Marinette. Sous leurs pieds, une place en étoile. La Bastille. Dans leur dos, le génie. Il est là, mais on ne le voit pas. Il regarde au-dessus des toits. C'est le Paris de Baudelaire, d'Hugo, de Chopin, de Delacroix, de Courbet, de la Commune. Le nez dans le ruisseau, un Paris jamais au repos, tout en effervescence, indocile, passionné, irrévérencieux. Nous sommes de drôles, aux larges épaules, de joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant comme quatre, puffant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme, sous son gros bonnet. Nous vivons en somme, on est honnête homme, on n'est pas mouchard. Le génie de la liberté, insurrection populaire. La tête est à l'ouest, et le pied est à l'est. La colonne est bien plantée là, sur son îlot, au cœur de la place de la Bastille. Les noms des insurgés de 1830, gravés en lettres d'or sur son fût. Mais qui le sait encore? Ils refusent les ordonnances liberticides, récupérant ce qui se trouve à la rue. Les Parisiens érigent des barricades, depuis la Ligue. Et puis rebelote, Paris s'entoure de portes, de remparts, de barrières, de grilles, de limites. Et les Parisiens s'en affranchissent à nouveau dans un mouvement de foule. Qui, à la manière de Baudelaire, ne s'est pas noyé dans le nombre, dans l'ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et l'infini? Ainsi, l'amoureux de la vie universelle entre dans la foule comme dans un immense réservoir d'électricité. À la Bastille, rue Saint-Antoine, rue de Côte, dans les faubourgs, Paris se soulève en 1789, 1830, 1848, 1871. Parfois, des compagnies de la garde nationale fraternisent avec les insurgés et la révolte se consume en révolution. D'autres fois, ce sont les grandes saignées et les fosses communes, l'oubli pour les recouvrir. autant de lieux que de lignes de fracture, de discontinuité dans Paris, son histoire. Chaque époque rêve la suivante, écrivait Michelet. Et notre quête commence là, tout autour de ce théâtre urbain, la place de la Bastille. La rue de la Psanime, un matin brumeux. Derrière nous, la colonne de la Bastille. Vous êtes un promeneur de ce quartier ? Moi, je suis un promeneur parce que c'est l'histoire de Paris qui se résume souvent autour de ce quartier. Aux alentours de 12-13 ans, je devais les années 62-63, avec un copain, on séchait l'école et on avait encore de temps en temps la possibilité de monter en haut de la colonne. Il n'y avait pas de sécurité à cette époque et on s'amusait à monter la colonne plutôt que d'aller à l'école. Et ça fait rater nos études, mais ça nous amusait beaucoup. Vous montiez tout en haut de la colonne ? On montait tout en haut de la colonne. C'était un escalier circulaire sans ascenseur, hein, ça va de soi, et c'était amusant. Et quand on est môme, rien nous amuse. Et quand on arrivait en haut, on était très content de pouvoir cracher sur les passants en bas. C'était des plaisanteries d'enfant. Vous aviez 13 ans. Vous étiez un peu cancre. Très cancre. Alors l'envie nous a pris d'aller voir des balcons, de pousser les portes cochères. Y a quelqu'un ? Moi, de mon appartement, je vois la rue Amelot et le marché de la Bastille qui est derrière, qui est là certains jours, le mercredi et le dimanche. Des gens qui sont de l'autre côté voient, eux, la Bastille, mais ils ont aussi plus de bruit. Vous vivez depuis combien de temps dans cet appartement du boulevard Beaumarchais ? Moi, j'y suis depuis longtemps, trop longtemps maintenant, j'exagère, 20 ans, je crois, une vingtaine d'années. Quand je suis arrivé, ça appartenait à un monsieur qui était propriétaire de tout l'immeuble. J'avais été recommandé par quelqu'un du 5e étage. Donc voilà, lui, il faisait pas de bail et il voulait pas très cher. Et maintenant, c'est géré par un marchand de biens. Mais le premier jour, ils ont dit, bon, maintenant, faut que vous payiez plus. Donc ils essaient de me faire un procès. Donc je pense être viré un jour ou l'autre, je pense. D'ailleurs, voilà. La colonne de juillet, voilà. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette colonne ? Non, mais elle raconte, pour moi, pour les gens qui connaissent bien, elle raconte 1830, effectivement, les trois jours de 1830, des trois les trois jours, il y a des manifestations dans le quartier, c'est le début de la libéralisation, quoi. C'est le préalable à 1848, c'est la répétition 1848, qui sera éventuellement la répétition de la Commune, qui est quand même le mieux. Moi, je suis plus la Commune, je suis dans le 11e que Bastille, d'une certaine manière. C'est vrai que la Bastille, c'est plutôt 89, hein, d'une certaine manière. Les gens, d'ailleurs, en général, quand vous posez la question aux gens, je pense qu'ils vous diront plus la Révolution que 1830. Donc, vous demandez aux gens ici, je pense, dans le quartier, les gens, ils savent pas d'où ça vient. La colonne en elle-même, c'est pas un symbole, les trois jours, etc., 1830. Je pense que les gens savent pas. Bon, quand elle a été redorée, les gens ont un peu parlé quand elle a redécouvert de l'or, là, c'était en 89, je crois. À l'occasion du bicentenaire, mais voilà, sinon les gens n'en parlent pas tellement. Le génie a été redoré, c'est ça, feuille par feuille ? Il a été, alors, techniquement, je ne sais pas, mais ce moment des festivités du bicentenaire, il a fallu montrer que Paris était une belle ville, donc on a refait le Double des Invalides, si je ne dis pas d'erreur, et le génie de la Bastille, alors effectivement, comme ils l'ont fait, il était entouré pendant quelques mois, il a disparu quelques mois, et quand il est revenu, il était tout doré, bien clinquant et bien propre. C'est un peu comme les Invalides, ça fait plus, entre guillemets, plus beau, mais plus clinquant, quoi. Ça fait plus, on se montre que ça a une histoire, ça c'est clair. Je préfère avant, dire avant c'était plus l'histoire, maintenant c'est vrai que ça fait plus monument. Encore une fois, esthétiquement, quand il y a du soleil et que ça brille, c'est plus beau. C'est beau, les gens sont là, du boulevard Beaumarchais, vous avez les gens qui se mettent pour prendre la photo avec le doré au-dessus, là au beau milieu du boulevard. Maintenant, moi je l'ai connu tellement longtemps, si vous voulez, un peu vieux, décrépit, mais stoïque, quand il est doré, ça fait plus chic, quoi. Le soir, le port est éclairé, le génie de la Bastille est éclairé, c'est superbe. c'était juste superbe. L'arrondi, le bow window, là, nous a plu. Voilà, on a un grand salon de 80 mètres carrés. Voilà. C'est seulement une ambiance, une atmosphère ici sur cet endroit, quoi, sur ce port, parce que le port, ça fait rêver quand même. Les bateaux, ça fait rêver, sauf moi. Mais je sais que ça fait rêver pas mal de personnes. Et puis, bon, c'est dégagé. On a seulement cet immeuble de la RATP en face, là, qui est absolument immonde. Non, on le voit de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est une vraie Vérus dans le quartier, mais bon. C'est un HLM, donc il faut le garder. Et sinon, le reste, ben voilà, vous le voyez vous-même, c'est superbe. Alors donc, voilà, on n'a pas de bruit parce qu'en fait, le bruit du macadam est atténué par l'eau. Avant, nous habitions quai Henri IV avec une vue sur l'hôtel Lambert. C'est très agréable aussi, mais il y avait plus de passages. Là, ça va encore. Voilà. Regardez comme il brille aujourd'hui. Oui, tout le temps. Alors, ces jours de manifestation, vous les aimez ou pas trop? Ça m'est égal. Ça m'est égal. Franchement, si les gens râlent, c'est qu'il y a une raison. Alors, s'ils manifestent, ça ne me dérange pas. Voilà. Et vos grandes dates, les grandes dates auxquelles vous avez manifesté, vous? Jamais. Courageuse. Non, parce que si, peut-être pour l'école privée. Vous étiez toute petite, certainement. 1984. Quand Mitterrand a voulu supprimer l'école privée, alors qu'il sait très bien qu'il n'y a pas assez de profs dans le public. Donc, supprimer l'école privée, c'était pas possible, quoi. Vous êtes en face de cette colonne. Qu'est-ce qu'elle représente, cette colonne de juillet? Esthétique. Ça pourrait être celle de la place de la place des Victoires ou celle de la place Vendôme, pour moi c'est pareil. Voilà, on est à proximité de l'opéra, c'est très pratique pour moi parce que j'y vais beaucoup. Et puis voilà. Et vous apercevez ces noms-là qui sont gravés en lettres d'or sur la colonne? Pas du tout. Oui, ce reflet un petit peu doré. Oui, mais on ne les voit pas du tout. D'ici, ouais. On ne les voit pas du tout. Même avec mes jumelles, je ne vois pas. Mais les reflets dorés, vous les voyez, des noms? À peine. Vous les voyez, vous? Un petit peu. Ah oui? Ce sont les noms des insurgés de 1830, ce peuple parisien. Ouais. Nous vivons sans gîte, goulûment et vite, comme le moineau. On sent nos caprices jusqu'aux cantatrices de chez Bobino. La vie est diverse, nous bravons l'averse qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant peu de bottes et point de chapeau, nous avons l'ivresse. L'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables, nous sommes des diables, nous sommes des dieux. Quand on va aujourd'hui place de la Bastille, on voit sur le sol les traces des murailles de l'ancienne prison, dont beaucoup de monde ignore qu'elles sont inscrites comme ça dans le sol. Et la fameuse colonne hein, qui commémore les Trois Glorieuses est surmontée du fameux génie de la Bastille, comme on l'appelle. Donc la colonne a été levée là pour symboliser un soulèvement, un changement de régime, un espoir de liberté. Donc il y a certainement une ignorance assez répandue de ce qui est inscrit dans cette place. Il se trouve que non seulement tout ça est visible, mais tout ça est en passe de, sinon d'être effacé, en tous les cas de perdre son sens et d'être confisqué. À jamais perdu, rien n'est moins sûr. Ce sont surtout les mêmes rues et les mêmes recoins, les mêmes lieux et les mêmes angles qui forment l'arrière-fond devant lequel les figures de cet univers apparaissent, écrira plus tard Walter Benjamin en chaussant les pas de Baudelaire. Si vous deviez suggérer à un passant de se promener et puis peut-être de se perdre dans ces rues, dans ces coursives tout autour de la Bastille, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller ? Je lui conseillerais quand même de passer par la place de la Bastille et l'entrée de la rue de la Roquette, qui sont des lieux vraiment historiques où étaient édifiées les barricades qui empêchaient les troupes royales ou de l'Empire ou de la République de monter vers le nord. Je lui conseillerais surtout de faire un petit tour par la rue du Faubourg Saint-Antoine, qui est la patrie, entre guillemets, des menuisiers. Aller voir la plaque qui est, je crois, au 151 de la rue du Faubourg Saint-Antoine, plaque dédiée à Alphonse Baudin. C'est un personnage historique de la République, puisqu'en juin 1852, Alphonse Baudin est mort sur les barricades à une époque où on luttait encore contre la République pour obtenir des meilleurs salaires. Et donc il est mort en disant qu'il allait montrer aux travailleurs qu'on pouvait mourir pour 25 francs. Vous êtes un féru d'histoire Ah oui, il faut s'intéresser à l'histoire du passé pour savoir ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain. Et du coup, les rues de Paris, vous les avez étudiées ? On a un peu étudié parce que ça fait partie de notre histoire. Mais vous n'êtes pas professeur d'histoire ? Ah non, pas du tout. J'étais ouvrier fraiseur à Boulogne-Billancourt pendant 30 ans, donc c'est pas l'histoire que j'étudiais, c'était la fabrication des petites voitures. Ça sent la colle et le bois, les copeaux sous les doigts, la sciure et la poix, le cheval et l'avoine, au faubourg Saint-Antoine. Ça sent les prises alléchantes des tout petits marchands, les artisans qui chantent avec une voix ample dans le faubourg du temple. Ça sent la poudre et le bois, le fusil sous les doigts, la nation et la poix, la république idoine au faubourg Saint-Antoine. Baudelaire se promène le long des barricades. À la main, une publication éphémère, Le Salut Public. Il y publie quelques articles et Courbet en dessine la vignette. On reconnaît Baudelaire, tantôt vêtu d'une vareuse, tantôt d'une blouse, ces jours de 1848. Un homme libre, quel qu'il soit, est plus beau que le marbre. Et la taille gigantesque de Victor Hugo le distingue dans la foule. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris, que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément. Il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières, vivent pêle-mêle. Hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, où des créatures humaines s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. Victor Hugo est le témoin des arrestations en masse, des fusillades, des fosses communes, de la chasse à l'homme et de la déportation de milliers d'insurgés. Et nous voilà 200 ans plus tard, au pied d'une colonne cousue d'or et de faste. Bon, c'est une colonne, mais au départ c'était un éléphant. C'est bien ça ? Oui. Et on pouvait grimper dedans. C'est un éléphant en plâtre. C'est lourd. C'est l'opposé du génie. Ça ne va pas du tout ensemble. Il vaut mieux une colonne et lancer. C'était l'Empire. Oui, mais trop lourd, à mon avis. C'était un éléphant de 40 pieds de haut, construit en charpente et en maçonnerie, portant sur son dos sa tour, qui ressemblait à une maison, jadis peint en vert par un badigeonneur quelconque, maintenant peint en noir par le ciel, la pluie et le temps. Dans cet angle désert et découvert de la place, le large front du colosse, sa trompe, ses défenses, sa tour, sa croupe énorme, ses quatre pieds, pareil à des colonnes, faisaient, la nuit, sur le ciel étoilé, une silhouette surprenante et terrible. On ne savait ce que cela voulait dire. C'était une sorte de symbole de la force populaire. C'était sombre, énigmatique et immense. C'était on ne sait quel fantôme puissant, visible et debout, à côté du spectre invisible de la Bastille. Il tombait en ruine. À chaque saison, des plâtras qui se détachaient de ses flancs lui faisaient des plaies hideuses. Les édiles l'avaient oublié depuis 1814. Il était là, dans son coin, morne, malade, croulant, entouré d'une palissade pourrie, souillée à chaque instant par des cochers ivres. Des crevasses lui lézardaient le ventre, une latte lui sortait de la queue, les hautes herbes lui poussaient entre les jambes, et il semblait que la terre s'enfonçât sous lui. Il était immonde, méprisé, repoussant, et superbe. Laid aux yeux du bourgeois, mélancolique aux yeux du penseur. Il avait quelque chose d'une ordure qu'on va balayer et quelque chose d'une majesté qu'on va décapiter. Ce monument a disparu pour laisser régner en paix l'espèce de poil gigantesque orné de son tuyau qui a remplacé la sombre forteresse à neuf tours, à peu près comme la bourgeoisie remplace la féodalité. La colonne, c'est une colonne qui peut ressembler aux colonnes trajanes. Elle vient stabiliser un pouvoir. C'est-à-dire qu'à la fois, on commémore des révoltes et puis aussi, elle institue. La colonne a une histoire, hein, au fond, oui, comme vous le rappelez. Chez les Romains, elle était vraiment choisie comme mémorial des triomphes et des institutions, à la gloire des institutions. La colonne est le détachement singulier d'un principe architectural, la colonne du temple. Donc elle transporte, même dans sa singularité et son isolement, une sacralité qui lui vient de son histoire sacrée dans le temple. Et l'effondrement des colonnes du temple a toujours été une image très symbolique, hein, de l'effondrement des pouvoirs ou de la disparition d'une culture. Le transport par Napoléon d'une obélisque depuis l'Égypte montre que dans ces choix, il y a deux choix qui ont été prégnants dans la mémoire, la pseudo-mémoire romaine de la République française. C'est l'arc, l'arc de triomphe et la colonne. Et vous savez que Mitterrand a voulu lui aussi faire son arche. Donc oui, c'est ce déplacement architectural des emblèmes de la sacralité. La colonne plantée dans la terre et dirigée vers le ciel devient le signifiant d'une articulation entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, pouvoir transcendance céleste et inscription dans le sol. Une colonne qui aurait pu être aussi bien une femme tout en mouvement, une fontaine, une colonne à laquelle fut accolé un éléphant en plâtre, envahi par les rats. Le chroniqueur haineux venu d'Allemagne se souvient. La bourgeoisie de France est possédée du démon de la destruction. Et bien qu'elle ne redoute pas précisément la République, elle a cependant une peur instinctive de ses sombres compagnons qui, semblables à des rats, sortiraient en foule envahissante des débris du régime actuel. Et ils n'ont pas tort d'avoir peur. Cette colonne aurait pu être un amas de cendres. Les insurgés brûlent à ses pieds le trône de Louis-Philippe en 1848. Les communards songent à la dévisser mais s'en prennent à une autre de colonne, celle de Vendôme, sa jumelle en 1871. Une colonne surmontée d'un génie qui aurait pu aussi bien être une figure féminine, maternelle, semblable peut-être à celle que l'on voit place de la République, solide, immuable, statique. Delacroix lui préfère, cette même année 1830, une femme bien plantée sur ses deux jambes, accompagnée d'un môme en armes. Car à l'époque, les insurrections se déroulent en bas de chez soi, femmes et enfants au devant de la colère. Une femme, géante, aux épaules nues, à la ligne serpentine, bravant le feu, suivie dans son élan d'un peuple débraillé. Et ce sont ceux-là même, ces gens rassemblés, ce peuple tout nouveau, qui observera médusé, la stupeur passée, cette allégorie, leur idée faite œuvre au musée, au Louvre. La liberté guidant le peuple. C'est là que se constitue ce qui n'existait pas encore, qui était le grand public, la foule populaire. L'invention du musée est quand même une invention révolutionnaire. Il n'y a pas de musée avant la Révolution. C'est un prolongement de l'espace public. Cette nouvelle incarnation, cette façon dont tout d'un coup, voilà, la liberté prend un corps qui n'est pas celui du Christ, mais là, d'une femme. Mais bien sûr, c'est quand même formidable de la part de Delacroix d'avoir pensé la liberté en plein XIXe siècle, sous cette forme, je dirais, c'est un manifeste du féminisme. Hein, c'est la femme et l'enfant. Ce qui fait lumière et geste dans la centralité de ce tableau, c'est un corps de femme et un geste d'enfant. Mais c'est vrai que la puissance épique de quelqu'un comme Victor Hugo a beaucoup contribué à ouvrir, à amplifier au maximum à la notion du peuple tout entier l'idée de la révolution, des droits, de l'égalité, de la fraternité. Je veux dire, les valeurs révolutionnaires ont été très soutenues par le souffle hugolien. Hein. Il y a un nouveau souffle populaire à travers ses romans, ses poèmes, et que dans la peinture de Delacroix, on retrouve hein, chez Géricault, un souffle, une puissance qui va accompagner ce qui sera la Commune, qu'on va trouver chez Courbet. C'est un tableau sonore, hein. Il est habité par la voix et la clameur de ceux qui se soulèvent. Nous entrons au pied de la colonne, tentons de suivre l'architecte. Quelques échafaudages. Lionel Dubois, vous nous emmenez là, à quel étage ? Là, on est à un étage intermédiaire, on est au niveau du soubassement de la colonne. En fait, c'est un édifice assez particulier parce qu'on a l'impression qu'il est homogène, mais en fait, c'est une stratification de différents projets. Il faut savoir que la partie basse, c'était le projet d'une fontaine. Là où nous sommes, au niveau de la terrasse basse, c'était un bassin. Ce niveau intermédiaire du soubassement, c'est aussi un ancien bassin qui était projeté initialement. Il y avait une fontaine qui était projetée, avec surmontée d'ailleurs d'un éléphant. Et donc le niveau supérieur, c'est aussi un niveau de fontaine, mais une autre fontaine qui était projetée à la suite de l'éléphant qui avait été abandonné, où on devait donc avoir une statue qui symbolisait la ville de Paris, encadrée de quatre statues qui représentaient les quatre fleuves principaux de France. Et ensuite, la colonne, qui est en fait le dernier projet, qui est donc celui d'aboutissement de cette colonne, et qui surmonte l'ensemble, et qui était en bronze. Sur ce socle, on aperçoit des médaillons hein, de bronze. C'est ce que les Parisiens aperçoivent. Hein. Oui. Ça leur arrive de pouvoir grimper jusque-là, d'ailleurs, oui. Les Parisiens. Il y a quelques photos historiques. Oui, effectivement, avec les manifestations, ils arrivent à monter jusqu'à ce niveau-là. Oui. En fait, il y a des tables de la loi, il y a la justice... Et il y a un ordre qui était l'ordre de Louis-Philippe, je crois, qui avait été conçu à l'époque au moment de la construction de la colonne. Lionel Dubois, cette colonne, elle mesure, je crois, 40 mètres. Oui, environ, oui. C'est pas tout à fait une colonne qui a été construite en 1830. Hein. On fait déjà commémoration, elle se réinstalle là un peu plus tard. Mais en fait, elle est terminée en 1840, mais le projet est bien antérieur. Bon, je vous ai parlé de la fontaine qui a commencé en 1808 en fait. Et puis petit à petit, donc, il y a eu des modifications de projet. Et la colonne résulte de deux projets. Un premier projet qui est construit par Alavoine, qui donc fait un projet de colonne assez simple finalement, sans décor. Et son successeur, puisque malheureusement Alavoine décède, son successeur, M. Duc, lui enrichit énormément la colonne. Il rajoute beaucoup de décors. Et donc, ce qui a nécessité un ajout de bronze. Ce qui explique d'ailleurs probablement la différence de teinte dans les parties basses et les parties supérieures, où le bronze n'a pas du tout la même patine. Allons-y. Oui. Là, nous allons pousser cette porte et entrer dans cette colonne. C'est la première fois ? Oui, la première fois. Vous avez peut-être grimpé sur le socle, mais là, il est possible d'y entrer. Hop. Alors Rosa, nous sommes donc sous le socle de la colonne et nous allons emprunter les escaliers, ceux-là devant nous. C'est vraiment impressionnant, on n'imagine pas du tout de l'extérieur... une ambiance comme celle-là, c'est curieux. Oui, devant nous, cet immense tombeau. Ici reposent les corps des citoyens français qui s'armèrent et combattirent pour la défense des libertés publiques les 27, 28, 29 juillet 1830. Ben, j'ignorais complètement que les insurgés de 1830 étaient enterrés là. Je le découvre complètement. C'est très impressionnant. En fait, on n'imagine pas, quand on manifeste, on n'imagine pas fouler un sol au-dessous duquel se trouvent ces révolutionnaires. Pas du tout. C'est vrai que cette place, elle est plutôt associée au 14 juillet, à la Révolution française, mais pas aux révolutions qui ont suivi. Pas du tout. Comme si leur mémoire avait été effacée. Je vous propose, Rosa, de poursuivre le chemin qui est circulaire. Et voici un autre tombeau, 1848, cette fois-ci. On peut s'approcher un peu. Ici reposent les corps des citoyens français tombés pour l'établissement d'une république démocratique et sociale. Les 22, 23, 24 février 1848. Bah, même chose, j'imaginais pas que les insurgés de 48 étaient là. Et je crois que sur la colonne, c'est les noms des insurgés de 1830 seulement. Rien n'indique en fait que ceux de 48 reposent là aussi. C'est une façon d'effacer l'histoire ouvrière, l'histoire des faubourgs, celle de ces boutiquiers, de ces gardes nationaux, de ces ouvriers de Paris qui se sont soulevés pour l'instauration de la République, pour chasser Louis-Philippe du pouvoir, mais aussi parce que c'était un pari de la misère, de la disette, de la faim. C'était la crise financière et c'était un soulèvement antimonarchique, finalement. Donc c'est curieux d'avoir cet hommage à Louis-Philippe au-dessus des tombeaux des insurgés de 1830 et 1848. Rosa, vous êtes journaliste. Qu'est-ce que ça peut changer l'ouverture de ce monument, le fait qu'on ait accès au tombeau ? Paris est parsemé de monuments qui rendent hommage aux rois, aux dirigeants, mais on ignore complètement l'histoire de ce peuple de Paris qui a forgé la France, cette démocratie dont on se réclame. Enfin, elle est aussi le fruit de toutes ces luttes. Et ces luttes-là, elles ont tendance, bien sûr, à être complètement effacées. Et même dans le cas de 1848, on met les avancées sociales de la Première République sur le compte de choix de dirigeants éclairés, mais c'est pas tellement vrai. Une des premières décisions après 1848, c'est par exemple d'abolir l'esclavage. Et on dit que c'est l'œuvre de Victor Schœlcher, mais c'est aussi l'insurrection de 48 à la Martinique, et cette revendication de l'abolition de l'esclavage qui est reprise par le peuple de Paris, comme avait été reprise dans certains cahiers de doléances, cette revendication abolitionniste en 1789. Et donc, rouvrir ces lieux-là au public, ce serait la possibilité de réhabiliter le peuple comme acteur de l'histoire. Remontons le temps. La colonne chevauche le canal de l'Ourcq et en prenant un peu de hauteur, on peut apercevoir le tracé de la forteresse de la Bastille. Une ombre portée sur la ville, une peur colossale qui se dissout un jour de révolution. Le génie de la liberté, liberté chérie. Une confiance d'enfant, une confiance qui va au-devant, espérante, qui vous soulève. Confiance qui, entrant dans le brassage tumultueux de l'univers, devient un soulèvement plus grand, un soulèvement prodigieusement grand, un soulèvement extraordinaire, un soulèvement jamais connu, un soulèvement par-dessus soi, par-dessus tout, un soulèvement miraculeux qui est en même temps un acquiescement sans borne, apaisant et excitant, un débordement et une libération, une contemplation, une soif de plus de libération. Et pourtant à avoir peur que la poitrine ne cède dans cette bienheureuse joie excessive. Henri Michaud, L'infini turbulent. Une renaissance, une seconde vie. Dans l'air, quelque chose a changé. Être quelques-uns et se compter. puis être seul dans la foule, puis s'y dissoudre et réapparaître, plus grand. Plus de 200 ans plus tard, Éric Villard donne des visages, des noms, en fouillant dans les récits, les registres des clercs. Il compose un mouvement où le corps de chacun emmène le suivant, et il les nomme tous, il refait la liste de tous les noms. Bien sûr, un nom, ce n'est pas grand-chose. Un métier, une date, un lieu, modeste état civil, une étiquette. Ce sont les syllabes de la vérité. Le grand, qui était concierge, le gros capitaine, le griot, monteur en pendule, l'esselin manouvrier, maçon, le cloutier, mercier, le teinturier, minier, le tailleur, saunier, l'ouvrier en soie, terrière, le sieur en long, mic, le serrurier, miclet, le Jean-Foutre, les frères Moreau, Jean-Foutre eux aussi, Motiron, le fabricant de lacets, Naviset, le doreur, nus et oblisques, les que dalle, ont tous bel et bien vu le jour, éboulonné, ébouffé, ébu, et marché de long en large dans Paris. Et ce jour-là, c'est en chair et en os qu'ils étaient à la Bastille. Oui, il y avait Pinon, le bottier, Paul, le médecin, et Pinson, et Potron, et Pitrel, oui, ils étaient tous là, derrière leur barbe de trois jours, et la grille rouillée de lame, baragouinant au pied des murailles de pierre. Alors continuons, ne nous arrêtons pas, nommons, nommons, rappelons les faméliques, les cheveux longs, les gros blaires, les yeux louches, les beaux gars, tout le monde. Pour la première fois, puisque c'est une émeute victorieuse, le peuple va laisser des traces importantes. On a notamment une commission, la commission des vainqueurs de la Bastille, qui va se réunir, et où des gens vont se signaler comme vainqueurs. Et alors ce que cette liste a de spécifique, c'est deux choses. Tout d'abord, c'est l'ordre alphabétique. Et l'ordre alphabétique, c'est l'intrusion précisément de l'égalité par le truchement de cet arbitraire qui est l'ordre alphabétique, justement, dans les listes. Auparavant, si vous rentrez dans n'importe quel musée, par exemple, et que vous regardez à l'entrée une liste des donateurs, des principaux donateurs, eh bien, les principaux donateurs, l'ordre, ça va être le comte machin, etc. C'est donc un ordre soit des préséances, soit de ceux qui ont versé le plus d'argent. L'ordre alphabétique, c'est le gage, c'est l'expression, en réalité, de l'égalité. Et puis, ces noms, surtout, ce sont les noms que nous connaissons, c'est-à-dire, ce sont les noms que nous entendions comme enfants à l'appel, à l'école. Ce sont les mêmes, c'est-à-dire c'est les noms de tout le monde. Tout à coup, les noms du grand nombre entrent dans l'histoire. Un 14 juillet, place de la Bastille. Un jour différent qui inverse l'ordre du monde et pose la trame d'une expérience inouïe, d'une forme de vie nouvelle, un commencement, une naissance, un calendrier à composer, une épiphanie, une manifestation sensible, une apparition soudaine, un amour très grand. Une nouvelle rencontre du peuple avec lui-même, se reconnaître différent, se toucher, se parler, une grammaire ouverte à l'inconnu, un espoir tentaculaire, un soulèvement, une liberté chérie. Ne pas dormir, c'est vivre dans la mort. La nuit nous traîne, immobile, là où l'on renonce. Le jour est confusion et la nuit sans pitié. Elle cache en elle un miroir où l'on devine sans se voir, et dans le lent passage du temps, aux heures silencieuses, on aperçoit parfois une bluette, une pauvre escarbille un instant vous creuse la face. Et là, dans le feu très bref de notre visage, un signe s'adresse à chacun de nous, tout s'éclaire. Mais on ne le comprend jamais. On boit un verre, on fume son clope, on ouvre la fenêtre. L'air est chaud, terriblement chaud. On ne dormira plus, plus jamais. On restera éveillé jusqu'à ce que cette grande clarté revienne et demeure. Elle ne revient pas. Les heures s'étirent, on fouille dans ses papiers, on relit de vieilles lettres. Comme si on voulait s'assurer de soi, de qui on est, de ce qu'on vaut. La nuit du 13 juillet 1789 fut longue, très longue, une des plus longues de tous les temps. Personne ne put dormir. Autour du Louvre, de petits groupes erraient, mutiques, dans une sinistre maraude. Les cabarets ne fermaient pas. Sur les quais, des solitaires pérégrinèrent toute la nuit, ombre bizarre. Il faisait une chaleur écrasante. On ne pouvait pas trouver le sommeil. Dehors, on cherchait un peu de vent, un peu d'air. Paris entier ne dormait pas. Pourquoi le 14 juillet ? Tout d'abord, bon, il se trouve que c'est notre fête nationale, mais qu'elle commémore une émeute. Ce qui est tout de même assez singulier, c'est une émeute victorieuse. C'est une émeute non seulement victorieuse, mais qui va avoir un effet absolument immédiat, c'est-à-dire le peuple de Paris est en armes. Et donc pendant une semaine, ce sont des réjouissances, des embrassades. C'est un peuple qui prend conscience de lui-même, c'est-à-dire que les lumières se sont malgré tout diffusées dans le peuple. Chacun a une sorte de... Enfin, beaucoup de gens en tout cas, il y a une sorte de... comment dire, de contrat social de comptoir, une idée de ce que Jean-Jacques Rousseau a pu dire ou faire, de ce que les Lumières ont pu ouvrir comme perspective de rapport à la liberté et à l'égalité. Je pense que c'est des choses qu'on voit très rarement de surcroît, le fait que ce soit notre fête nationale a une singularité. Enfin, c'est-à-dire que notre fête nationale commémore une émeute et cette émeute a eu des conséquences qui sont de l'ordre de l'universel. Et puis il y a des lieux de sociabilité, les cafés, enfin ce qu'on appelait les cabarets, les guinguettes, qui se développent énormément. Enfin, il y en a notamment vers Belleville, à la Courtille, au Porcheron. Et donc là, les gens se retrouvent et parlent de toutes choses, et notamment de politique. Le 14 juillet, rue du Petit Musc, on court. Et cette rue porte un joli nom, celui d'une odeur chaude, enveloppante. Mais il veut dire autre chose de plus triste. La rue s'appelait naguère Pute Imuse, où les putes musaient, vaguaient. Le nom glissa, comme les noms savent bien faire. Ça a été en fait jadis la rue Putimus, qui était donc une rue où la prostitution était très importante. Et puis ensuite, le nom a dérivé en Petimus. Et puis ensuite, l'orthographe change. Le Petimus prend CE. Et puis Petimus, comme aujourd'hui. Ça a été une rue, parmi d'autres évidemment dans le coin, assez importante le 14 juillet, puisque on a notamment une relation d'un émeutier, Claude Chollat. C'est un analphabète, il l'a donc dictée, elle est pleine de maladresse, mais au fond il nous raconte uniquement ce qu'il a fait, ce qu'il a vu le 14 juillet. C'est un homme qui était un marchand de vin, donc il tenait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un bar, et il avait juste assez d'argent en tant qu'analphabète pour se payer un écrivain public et raconter son 14 juillet. Les événements se produisent les uns à la suite des autres de façon en quelque sorte saccadée, comme une caméra à l'épaule. Il passe rue du Petit Musc, donc il arrive par une rue qui s'appelait rue des Trois Pistolets, il arrive ici et là il y a une hésitation, beaucoup de gens veulent qu'on passe par la rue Saint-Antoine, donc on oblique à gauche pour emmener les canons, puisqu'ils traînent deux canons avec eux, ils sont très nombreux, et puis lui décide d'aller en fait à l'arsenal un petit peu plus loin, qui a disparu, il en reste que la bibliothèque de l'arsenal, donc de prendre au contraire à droite pour aller chercher de la poudre. Donc c'est ce qu'il fait, il court, et là derrière un arbre, il a posé de côté, en fait, on se protège légèrement derrière un arbre, il a installé le canon et ils ont donc tiré sur la Bastille. Et puisque, au fond, bien sûr, il faut être en armes pour prendre une forteresse, mais il ne pouvait pas y avoir 100 000 personnes en armes. Il y a donc toute une foule non armée autour qui gueule, qui pousse des clameurs, qui injurie évidemment les soldats qui sont à l'intérieur de la forteresse, qui aussi s'en prennent aux délégations de l'hôtel de ville, de notables qui viennent parlementer avec la forteresse sans aucune intention évidemment de faire en sorte qu'elle se rende. Et tout ça compte énormément, cette pression populaire. Sans elle, la Bastille ne tombait pas, ce ne sont pas 500 personnes ou 1000 en armes qui font tomber une telle citadelle. Pour que la citadelle tombe, il faut cette sorte de puissance sonore, vocale. C'est ça aussi qui fait trembler la Bastille, les clameurs, les jurons. Quel type de jurons ? Ah ben il y en a toutes sortes. Alors je finis par plus savoir parmi ceux que j'ai inventés, puisque quand on écrit, moi-même aussi je parle plusieurs langues, donc évidemment, il y a beaucoup de choses évidemment sur la merde, vous savez, dans les jurons, donc boutanche à merde, bec à je ne sais quoi, enfin, et donc on a toute une gamme beaucoup plus large qu'aujourd'hui au fond de jurons au XVIIIe siècle. Donc là, un petit inventaire, cucroté, savate de tripière, peau d'urine, bouche à bec, louf à merde, boutanche à merde, et toutes les choses à merde, et toutes les couleurs à merde, merde rouge, merde bleue, mer de jaunille. Et puis les injures populaires, bon, si elles sont présentes au quotidien, elles sont aussi très présentes de façon politique, c'est-à-dire que quand passe ce qu'on appelle la maréchaussée, on peut aussi l'injurier dans certains cas, quand elle arrête quelqu'un, etc. Donc il y a toute une pratique en fait quotidienne, plus ancienne, qui la cristallise au moment de la prise de la Bastille, et qui je crois compte énormément, c'est-à-dire ça fabrique une forme d'illégitimité très pesante, et tout à coup avoir cette foule immense parisienne qui les injurie et qui s'époumonne, comme vous dites, à l'extérieur. Je crois que c'est une pression psychologique intenable en réalité. Et dans la nuit de la grande ville, il y eut alors une étincelle, cri de Mika. L'octroi fut incendié, puis un autre, encore un autre, les barrières brûlaient. Ce qui brûle projette sur ce qui nous entoure un je ne sais quoi de fascinant. On danse autour du monde qui se renverse, le regard se perd dans le feu. Nous sommes de la paille. quelque chose change, mais on ne sait pas encore tout à fait quoi. Oui, je pense qu'on se comporte toujours différemment dans ces moments. On ne peut pas dormir quand on sent qu'il va se produire quelque chose. Et alors ça fabrique toutes sortes de rapports sociaux différents. Des amitiés fugaces, comme on peut les connaître d'ailleurs quand on erre la nuit, mais beaucoup plus effervescentes, puisque les groupes, enfin ce sont des groupes aussi qui se promènent. C'est des cinquantaines d'individus qui sont ensemble, qui parlent, qui gueulent. Et puis ça crée aussi, sans doute, peut-être pas cette nuit-là, mais en tout cas en général, pendant les jours qui précèdent, des formes même d'amitié, de sexualité même différentes, qui sont liées à la fois à l'anonymat de la grande ville, à ce qu'elle est, à ce qu'elle a forgé, au fond, comme vie sociale, mais aussi à l'attente, à la peur, à la panique et à l'espoir. Paris s'ouvre, il est bigarré. De la Révolution, on retient que l'on est citoyen et non plus seulement l'enfant d'un tel, la veuve d'un autre. Le patriarcat s'effiloche, là, au coin de la rue. Le 19e siècle sera celui d'une capitale moderne, hérissée de désirs et de barricades. La terrasse est brune, pendant que la lune l'emplit de clarté, d'ombre et de mensonges. Nous faisons des songes pour la liberté. On n'est plus seulement bête de somme. On peut se perdre dans la ville, déambuler, croiser la grisette le temps d'une fête dans les faubourgs, vivre à la fois la dépossession et le plaisir de l'anonymat. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. J'ignore où tu fuis. Tu ne sais où je vais, ou toi que j'eusse aimé, ou toi qui le savais. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent des fonds, les coquettes avec le premier vent. Qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Le Balageau, Balageau qui est juste là. Le corps de l'immeuble n'a pas changé, hein. C'est toujours un petit immeuble qui n'est pas vertical d'ailleurs, hein, qui est bien incliné comme il l'était au 19e siècle, mais qui est un lieu aujourd'hui qui a bien changé avec les néons. Une façade rétro années 80, mais pourtant il est inscrit en néon 1936. Oui, 1936, c'était la grande année du bal musette. La réalité, c'est que ce bal musette, c'était la fusion de deux musiques, hein, les immigrés italiens qui venaient avec leur accordéon et leur bande de néon, qui rencontraient les Auvergnats qui montaient travailler à Paris et qui ont fusionné leurs deux cultures musicales pour faire la fête le samedi soir après le turbin, comme on dit, et qui se retrouvaient avec cette joie. Ils s'amusaient aussi, mais parfois ils se battaient. Et la rue de Lappe avait les deux avantages et les deux inconvénients. À la fois très festive, parce que c'était deux immigrations festives, mais c'était aussi deux lieux d'affrontement entre ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillaient pas, ceux qui étaient au chômage et ceux qui ne l'étaient pas. Et on parle d'un Paris très populaire après-guerre. Ça, c'était Faubourg-Saint-Antoine, le Balageau, la rue de Lappe. Alors la rue de Lappe, maintenant, c'est devenu une rue bobo avec des bars. Avant, c'était que des artisans. Et la grande spécialité, c'était la fabrication des bars. Les zingues, ce qu'on appelait les zingues. Les zingues. Oui, il y avait 4 ou 5 marchands qui faisaient ça. Et puis ben, ce quartier, c'est mon village. Quoi. Quand je rencontrais mon mari, qui n'était pas encore mon mari, on allait manger au restaurant qui était là, à la place... du 3 Marches, je crois que ça s'appelle. Mais à l'époque, ça s'appelait la Tour d'Argent. Donc on allait manger là, et c'était dimanche soir, souvent, avant qu'ils me ramènent chez moi. Et ce génie, vous le trouvez joli, ce génie ? Il est tout doré, il brille. Est-ce que vous voyez cette photographie de Renée Willis avec ce couple qui est tout en haut de la colonne et qui regarde Paris ? Vous la voyez ? Non ? Non, on ne peut pas y accéder, mais on ne peut pas y mettre un ascenseur, elle n'est pas visitable. Et pourtant si, il est possible d'entrer dans la colonne, de s'y frayer un passage et d'emprunter les escaliers. Nous sommes au pied de la colonne de Juillet. Le fût de la colonne est d'une hauteur de 40 mètres. Et nous allons tenter d'y arriver par cet escalier à vis. Êtes-vous déjà monté sur cette colonne ? Jamais eu la chance encore. Non, malheureusement non plus. Donc, nous allons tenter donc d'approcher ce génie tout là-haut, c'est possible, le génie de la liberté. À quoi il ressemble là, d'en bas ? Il a des ailes. Il a des ailes, il est élancé, il fait penser à la liberté. À Mercure, dieu bien connu de la mythologie, donc qui évoquait entre autres dieu des voyages, donc qui pouvait aller à son gré comme il l'entendait. Allons-y. Je me souviens que j'étais monté tout en haut de la colonne, parce que la lumière était particulièrement belle, une lumière d'hiver de janvier très blanche. J'avais été guidé par elle. Comme souvent. Et c'est là que j'ai fait une de mes plus belles photos, qui a fait le tour du monde. En carte postale, en puzzle, en t-shirt, en poster. J'aimais monter tout en haut de la colonne, j'y venais souvent. Paris était si beau, vu de ce point. J'étais seul, je faisais une série de photos, et je m'apprêtais à rentrer chez moi. C'est là que j'ai vu ce couple de dos qui regardait le panorama. Je les ai photographiés juste au moment où le garçon posait un baiser sur le front de sa compagne, très délicatement. Je pensais que c'était un couple d'étrangers, jusqu'au jour où, en 1988, j'ai appris qu'ils tenaient un café-tabac de l'autre côté de la colonne et qu'ils avaient encadré le poster dans leur bistrot. Nous sommes devenus copains, j'allais souvent prendre un casse-croûte chez eux, Riton et Marinette. En fait, ils étaient Aveyronnais et au moment de la photo, ils ne pouvaient d'ailleurs pas se douter qu'entre les boucles du fer forgé de la colonne, on voyait une petite boutique qui allait plus tard devenir leur bistrot. Ils étaient encore fiancés à ce moment-là. Nicolas, vous occupez de chantier ? Oui. Hein ? Comment se fait-il qu'arriver à ces 200 marches en hauteur, il semble que la colonne ploie d'un côté de l'autre ? En fait, la colonne oscille comme tout ouvrage métallique. À cause du vent, à cause du passage. Là, nous sommes peu nombreux, mais s'il y a un groupe important, monte l'escalier, ça fait osciller la structure, et évidemment, il y a ce phénomène de balancement. C'est normal. C'est normal. On peut apercevoir des inscriptions du 19e. 19e, 20e, les plus récentes sont de, on va dire, 1990, 95. Il y en a qui doivent dater de 2006 pour les dernières interventions des ouvriers. Donc ce sont des graffitis d'ouvriers qui ont travaillé sur la colonne. Mais il y a aussi des inscriptions de touristes qui sont venus visiter la colonne. Et d'amoureux, on dit. D'amoureux. Et d'amoureux, certainement. Et il y a notamment un graffiti sur quelqu'un qui habitait Johannesburg. Donc on suppose que ce n'était pas un ouvrier. S'aimer en demandant la bénédiction un peu de ce génie de la liberté, c'est ça ? C'est un peu ça. On n'a pas besoin d'être marié pour grimper le long de cette colonne. Ah non, c'est pas du tout exigé. L'accès est libre. Allons-y. Deux, cent, marche. Il se mérite. À la vue et à couper le souffle. Vous n'êtes pas les seuls à être montés jusque-là. Sûr, c'est assez inédit de pouvoir être si proche de la statue. 4 avril 1838, Louise et Alphonse, 1903, Robert et Simon. Tous ces amoureux sont venus là. Mais je crois que vous êtes les premiers garçons amoureux à venir jusqu'ici. J'avoue que C'est émouvant. C'est émouvant, ouais. C'est émouvant et c'est symbolique, je pense, aussi, dans des temps un peu troubles. Surtout vu ce que la place représente. Je dirais que c'est d'autant plus symbolique, effectivement, en termes de portée de message. Vous êtes un couple ? Vous avez décidé de vous marier ? C'est ça, effectivement, on s'est mariés il y a 2 ans. Il y a 2 ans, après 9 ans de vie commune. Donc on voulait cimenter, symboliser aussi cette histoire, la partager avec notre famille, nos amis, et ancrer dans l'histoire notre union, parce que c'est notre histoire, et qu'elle mérite d'être écrite, et aussi bien écrite dans notre vie, et aussi dans un livret de famille, puisque voilà, notre souhait, c'est d'avoir une famille. Il y a 2 ans, juste après cette mariée, on a entamé une procédure pour adopter. On vient d'obtenir l'agrément en début septembre. Ce qui est rassurant, c'est qu'on a appris récemment qu'il y avait eu la première adoption à Paris par un couple d'hommes, d'un jeune enfant, d'un bébé. Et ils avaient fait les choses normalement, comme tout le monde. Et nous, notre idée, c'est de faire comme les autres. Ni plus ni moins, pas de favoritisme, pas de discrimination. Juste pouvoir vivre notre projet comme n'importe qui d'autre, en fait. Sur cette place, ont manifesté de nombreux révolutionnaires, insurgés, des hommes en 1832 avec des drapeaux rouges, vivre ou mourir. Vous, maintenant, en 2016, vous dites juste égalité. Nous sommes persuadés que c'est à travers l'égalité qu'on atteint la fraternité et la liberté. Et c'est les plus belles valeurs républicaines. C'est des valeurs très françaises, mais en fait universelles. Et fortes. Et fortes, fortes. Vous aimez toujours ? Plus que jamais. Ouais, plus que jamais. C'est une découverte constante, même après plus de 10 ans. On se surprend l'un l'autre à encore se découvrir des choses. Et on se dit que c'est que le début de l'aventure. Donc encore plein d'autres années à venir. En tout cas, c'est le but. Oui, et puis avec l'adoption, on a une autre aventure qui nous attend. Potentiel, voilà. Sous ce génie, peut-être que vous auriez quelques mots choisis, ce génie de la liberté et de l'égalité. Bien, on a choisi un petit poème de Robert Desnos, « Jamais d'autre que toi ». Jamais d'autre que toi, en dépit des étoiles et des solitudes, en dépit des mutilations d'arbres à la tombée de la nuit. Jamais d'autre que toi, jamais d'autre que toi ne poursuivra son chemin qui est le mien. Plus tu t'éloignes, plus tu t'éloignes et plus ton ombre s'agrandit. Jamais d'autre que toi ne saluera la mer à l'aube quand fatigué d'errer, moi, sorti des forêts ténébreuses et des buissons d'orties, je marcherai vers l'écume. Jamais d'autre que toi ne posera sa main sur mon front et mes yeux. Jamais d'autre que toi, et je nie le mensonge et l'infidélité. Merci à Éric Vulliard, Marie-Josée Monzin, Rosa Moussaoui, Éric Azan, Marc Forestier, Lionel Dubois, Delphine Christophe, Camille Bonneux, les passantes et les passants de la Bastille, Christiane et tous les trains savates, et les amoureux, Pierre et Jérôme. Lecture, Antoine Reinhardt. À la prise de son, Éric Audra. Au mixage, Manuel Couturier. Christine Bernard à la coordination. Le génie de la liberté, un documentaire de Nejma Bouakra et Nathalie Sall. Une histoire particulière, c'est fini. Dimanche prochain, à 16h, ce sera la suite de notre voyage vers un autre lieu, une autre histoire.